Vous êtes sur Énergie, bonne nuit, bon courage hein, si vous tapez en ce moment. Bah là c'est parti, c'est Cédric jusqu'à 6h. Avec beaucoup de café, oui. Bien comme vous, hein, peut-être. Calvin Harris dans la playlist Énergie, on se suit le meilleur de Mickaël, le Rico Choco et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bienvenue tout le monde. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Plus de 4 heures sur Énergie. Bon réveil tout le monde. J'espère que ça va ce matin. On est mardi. C'est Cédric. On va écouter George Ezra. Il y aura aussi David Guetta et MHD. Ça, c'est dans moins de 3 minutes. Juste avant ça, c'est le meilleur de Mickaël sur Énergie. Il est en direct des States cette semaine. Ouais, de 23h jusqu'à 3h. Et voici ce qui se passe dans l'émission sur Énergie. Et on se fait les appels bienveillants maintenant avec une grosse info également. Comme d'habitude, Amina. Selon le dernier livre d'Ovidie, qui s'appelle Libre, un des derniers tabous de la sexualité en France resterait la sodomie. On en parle assez régulièrement. Elle ne donne pas de chiffres, mais selon les témoignages qu'elle a recueillis, les femmes ont encore beaucoup de mal à en parler. Voilà, donc ça c'est... Bah, c'est super. Tu sais que l'espace d'un instant, je me suis dit qu'on était peut-être enfin sur une émission un peu d'érudit. Quand t'as dit le prénom de cette personne, là, Ovidie. Ovidie. Oui, je pensais que c'était genre le djinn descendant d'Ovid, voilà. Ah, mais non, oui, c'est sa fille, c'est sa fille. Tu... Non, je pense pas. La djinn descendante du vide, hein, en l'occurrence. Oh là là, voilà. C'est mal de parler mal comme ça. Des gens, tu la connais même pas. Oui, non, mais la thématique en tout cas m'intéresse. Bah, la thématique, ça intéresse plein de gens. Eh bah, ravi de l'apprendre, on va c'est voir si ça intéresse. Parce que toi, tu te voiles la face que. Et citons un grand philosophe, profitons qu'elle dormons pour qu'on l'enfile. Oh, et merci. En voilà. Plus, cite bien les choses, s'il te plaît. C'est pas profitons, c'est attendons. Ah oui, attendons qu'elle dorme. Voilà. Et donc, je rappelle que cette grande personne est JB d'Angoulême. Voilà. Du coup, Tof, tu vas prévenir tes amis? Bah, évidemment. Grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, toph@energie.com. Allez hop, c'est parti, on y va, on se fait le premier. Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous ? Bien, à vous ? Bah oui, ça va, ça va. Bon, j'ai regardé hein, pour votre position. Ouais, hein ? Alors ? Bah c'est pas mal, hein, mais je comprends pas pourquoi elle aime pas. Ouais, elle aime pas. Ah bon ? Bon bah c'est bizarre, hein, parce que au, au final c'est sympa comme position. Ah bah oui, ouais, c'est très sympa, moi j'aime bien, mais elle aime pas. Ah bon ? Bon bah tant pis, c'est dommage. Hein. Et dites-moi, y a des tabous sexuels dans votre couple ? Des choses que vous n'aimez pas faire ? Que moi j'aime pas faire. Oui, ou que vous n'aimez, dont vous n'aimez pas parler avec, avec votre femme. Non. Ah non, non, ça de ce côté-là tout va bien. Ouais, voilà, tout va bien. Bon, bon bah tant mieux. Bon bah parfait. Eh bah écoutez, on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Bonne soirée. Allez, bisous bisous monsieur, hein, au revoir. Bisous bisous, au revoir. Bon, bah voilà, bah écoute. Oh, il était plus cool là. Hein. Bon, on appelle un autre ? Ah bah oui. Allez hop. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir c'est quoi votre tabou sexuel monsieur. Non mais vous êtes dérangé ou quoi? Non, pas du tout monsieur, moi tout va bien. Eh ben moi aussi, bonsoir. Oui mais ça répond pas à la question ça monsieur. Oui mais il n'y en a rien à foutre. Allez hop, on le rappelle, vous êtes dérangé ou quoi? Bah oui, en même temps c'est pas nouveau. Moi? Bah oui. Toi. Oui je m'excuse monsieur, on a été coupé. Et du coup, vous m'avez pas dit c'était quoi votre tabou sexuel ? Bah vous occupez de vos affaires et puis pensez des autres, d'accord ? Allez, bonsoir. Bah oui, c'est ce que je fais, monsieur, mais là, vous répondez pas à la question. Ouais, eh ben non, la faute non plus. Allez, hop, là, occupe-toi de tes affaires, Christophe. On rappelle. Oui, je comprends même pas ce qui se passe, parce qu'à chaque fois, on est coupé. Ouais, ben moi, je vais vous dire, moi, si vous êtes malade, faut vous faire soigner, il y a des psychologues. Allez, bonsoir. Bah oui, mais ça répondra pas à la question, ça, monsieur. Oh là là, lourdeur, lourdeur, lourdeur. Bon, on rappelle encore une fois. Eh ben, ça arrive, hein, c'est comme ça parfois. Parfois on a de la chance, parfois on n'a pas de chance. Bon, si vous avez d'autres numéros de téléphone de gens qui sont plutôt rock and roll, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer ça. C'est anonyme évidemment. Vous envoyez ça sur toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Aïe, aïe, aïe, aïe. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle. Seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy. Yeah, with your sexy body, come and chop my money. Yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my they go, baby girl, so. Me go make you drop all my money. Aye, aye, aye, aye. Aye, aye, aye, aye. Hey, ma belle, aye. Aye, aye, aye, aye. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle. Aye, aye, aye, aye. Hey, ma belle, aye. Aye, aye, aye, aye. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aye, aye, aye, aye. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur, elle l'a mis game over. Dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Oui, mardi 23 octobre sur Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde, bon réveil, bienvenue chez nous. On va se faire George Ezra et David Guetta pour attaquer cette belle journée sur Énergie. Et avant tout ça, le meilleur du Rico Show. 20h, 23h le soir en direct sur Énergie et le matin en best-of pour vous. Bon réveil. Le podcast du Rico Show, 20h, 23h sur Énergie. Yes! Les amis, on parle musique, on parle orgasme, les deux s'associent, n'est-ce pas Sarah? Si tu le dis Rico, je te crois. Hein. On va en parler, nos sons qui nous provoquent des sensations, mais c'est parce qu'il y a une étude très sérieuse qui est parue concernant des chansons qui provoqueraient l'équivalent d'un orgasme. Accrochez-vous en voiture, arrêtez-vous, mettez-vous sur le bas-côté. Michael, t'es sur le bas-côté, hein, c'est bon mon Mika? Ouais, je suis en double. Ah, si t'es en double, ça va. Un double quoi, tu nous fais peur. J'ai peur, Michael. Il est en double fil. Ah, ouais, bon. Double F, ouais, ça va. Ah, oui. Chauffeur routier, on est à deux, je suis en double avec un collègue. Bah oui, mon Mika d'amour. Ils sont cons, tu sais, c'est vendredi. Vendredi, c'est la connerie. Hein. Ouais. Tu sais, hein, t'es, t'es pas derrière. Hein. Allez, les amis, parfois, lorsqu'on écoute de la musique, on a cette sensation étrange. La chair de poule d'abord, une boule de chaleur au creux du ventre, des frissons, putain. Et on parle que d'une musique. J'aimerais bien qu'une meuf parle de moi comme ça. Ah ouais. Tu vois, des sensations qui rappellent celles d'un orgasme. Les adeptes de la musique évoquent souvent un phénomène qu'ils appellent l'irgasme. Des scientifiques d'une université de Connecticut se sont en effet penchés sur les vertus de certains morceaux et il apparaîtrait que notamment cette chanson d'Oasis. Ah ouais, je le sens. Pas du tout. Provoquerait. Ça me donne envie de tuer. C'est énorme. Ah, c'est une belle musique, mais ça va. Non, ça vous provoque rien. Alors... Michael, ça t'a fait bouger le double. Non, il n'y a rien qui a bougé dans le camion. Non, non, bah, rien du tout. Non. Rien du tout. Alors, il y aurait également Someone Like You. Ah, c'est beau. J'entends moi-même. Ah, moi, par contre, je suis calmé. Et moi, j'ai vomi, Rico. Michael, t'es comment, toi? Ah, bah là, je pense plutôt à des trucs un peu, toi, des amis que t'as oubliés ou des parents loin. Ouais, ouais, tu penses à des trucs un peu dark, quoi. Ouais. T'es sous la couette, tu pleures. Ouais. Et a priori, ce serait l'orgasme. Alors, Sarah, sa version de l'orgasme, on écoute ta chanson? Allez, c'est parti. Selon toi, ce serait sur cette chanson. Ouais. Les gars, oh là là, je vois les T-Rectus là. Ça, c'est la chanson de toutes celles qui sont en mal de sensation. Et que le film, c'est 50 degrés. Qui vont voir 50 millions de degrés. Un gars se faire fouetter. Non, on est jaloux du mec en fait dans le film. C'est pour ça. Sylvain. Non, mais c'est Sarah, c'est 50 nuances de poils avec elle. Hein. Je peux te le dire. Hein. Oui, merci Sylvain. Oh, Michael, c'est quoi ta chanson à toi? T'as une chanson, Michael? Ouais, moi c'était Barry White. Barry White, ah ouais, le vieux Barry. Ouais. Écoute, on va essayer de te retrouver ça, on va se mettre du Barry White. Romain est sur l'affaire, on va te trouver Barry. Il y a aussi une autre chanson, selon toi, Sylvain, qui provoque des sensations comme ça. Ouais, j'en ai une petite, moi. Ah ouais, bah écoute, on écoute. Ouais. Oh non. Appelle-moi papa. Daddy cool. C'est pour les étudiants qui pécho, tu sais. Daddy cool. C'est par rapport à son âge, tout ça. Il se fait appeler Daddy dans la résidence universitaire. Hey Daddy. Le sugar daddy. Quelle angoisse. Quelle angoisse, sérieux. Bah quoi? Oh là là. Allez, on file sur JM. Fais voir ce que ça aussi, donne, j'ai JM. Un petit truc, quoi. Vas-y. Ah ouais, pas mal. Ah bah tu m'étonnes que ça te donne des orgasmes et des nanas qui jouissent. Ah bah ouais, c'est le but. Oh, le pervers. J'ai craché. Oh non. Il est déjà parti. Ah oui, t'as raison, Mika. Bon, écoute, j'ai l'impression que c'est une belle connerie ces chansons autour de l'orgasme. J'ai l'impression que ça n'a rien provoqué chez personne. Ouais. Bon, Sarah, on a l'habitude. Mais bon, vous autour de la table, non? Ah non, non, rien du tout. Non, rien. Même pas lui, rien. Je crois que celle que j'ai préférée, c'est Daddy Cool. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Homegrown, I

Oui, mardi matin sur Energy, c'est Cédric. Bonjour, bonjour. On va se faire Kenji dans la playlist Energy. Kenji nommé au Energy Music Awards. Vous avez envie de le défendre? Bah ok, allez-y. Attends, energy.fr. Imagine Dragons juste derrière. Et avant de le retrouver dès 17h cet après-midi, oui, après les cours, après le boulot, voici le meilleur de Koé sur Energy. 17h-20h, c'est Koé sur Energy. Allô? Allô? C'est Marguerite? Bonjour. Bonjour, devine qui c'est? Comment? Devine qui c'est? Qui c'est? Oui, devine. Denise. C'est Denise, oui. Voilà, bip, bip, bip, bip. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. Ça va bien? Je te dérange? Ben non, non, non, je suis à écouter la télé, là. Ah oui, tu la regardes pas, tu l'écoutes? Je l'écoute et puis je regarde. Ah ben oui, c'est mieux, sinon faut écouter la radio, hein, si c'est pour pas regarder. Ben oui, ben oui, ben oui, oui, oui. C'est qui, là, qui passe à la télé? Comment? C'est qui à la télé, là? Il y a Question pour un champion. Ah oui, ah oui. Oh, mais depuis qu'il n'y a plus Julien Lepers, c'est pas pareil. Hein. Bah oui, oui, oui. Moi, j'aimais bien Julien Lepers. Hein. Oui, oui, ah bah oui, comment? Mais celui-ci, c'est pas la même chose. Non, celui-ci, il est donc, plus, il est plus calme. Ça. Il est plus calme, hein, celui-là. Oui, oui, oui, oui. Ouais. Que Julien Lepers, il était toujours un peu foufou, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, on en peut. Humour et puis, vraiment bien. Oui, qui c'est qui était bien, Julien ou le nouveau? Hein? Le nouveau ou Julien? Bah oui, ouais. Ouais, ok, bah, okay. Tu me répondras demain. D'accord. C'est la part de qui? C'est Denise. Hein? Oui. C'est même plus. C'est Denise. Oui, Denise qui? Bah Denise. Oh là là, mais ça va plus toi, hein? Ah ben non, mais écoute, je vais avoir 90 ans, hein. Ah bah alors si t'es en pleine forme, alors ah si pour 90 ans t'es oui, en pleine forme. Tu sais, hein. Ah t'es en pleine forme. Et puis alors. J'entends pas très bien non plus. Hein. Je disais t'es en pleine forme. Oh là non, oh. Malheureusement. Voilà, on y arrive. Malheureusement. Ah bon? Oh. Oh là là là. Mais tu nous Je traîne. Mais non, tu nous enterreras tous. Hein? Tu nous enterreras tous. Oh là non. Oh, oh si. Non, pas. Oh si. Oh non non non. Oh non, si non, si non. Si. Non, non, non, si, non, si, c'est si, arrivé si. Quand même à un point. Oh, mais non. Mais je suis à domicile, mais... Ouais. Oui. J'ai comment l'hospitalisation tête, à domicile, hein. Oui, mais en fait, tu dis ça parce que c'est lundi, mais tu verras, tu nous enterreras tous. T'as un petit moral aujourd'hui. Ouais, mais oh non, non, non, non. Oh, si, Marguerite, oh, si. Non, non, non, non. Si, si, si, si. Mais je comprends, je sais pas qui c'est, hein. Eh ben, on va quand même c'est lui dire. C'est à l'appareil, c'est pas Denise. C'est pas... Ah, c'est pas qui je suis, mais je vais lui dire. Moi, je m'appelle Koé. Comment? Je m'appelle Koé et on est sur Energy, la radio. Ah non, non, non. Bah oui, c'est pas grave. On voulait vous appeler pour vous dire bonjour. Ah d'accord, ben c'est gentil. Voilà, et vous faire un gros bisou. Vous habitez où? Alors, je vais vous donner mon adresse précise. 22 rue Boileau, à Paris. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Ah oui, bah oui. Et vous êtes dans quelle ville? Là, je suis à l'EDF. À l'EDF? Oui. À l'EDS? Oui, l'EDF. À l'EDF. En Bretagne? Oui, c'est en Bretagne. Ah, d'accord. Quel temps il fait? Comment? Quel temps il fait? Bah oui, c'est dans l'Équateur, d'Europe. Voilà. Ouais. Eh bien, voilà. Eh ouais. N'insistons pas plus. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des foires, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier.

Bon, j'espère que tout va bien pour vous ce matin sur Énergie. C'est Cédric. Salut tout le monde. On enchaîne direct là sans pub avec Ariana Grande, The Prince Karma. Et il est en vacances cette semaine aux États-Unis, mais il fait l'émission quand même en direct de là-bas. Voilà, c'est la classe. Mickaël, 23h tous les soirs sur Énergie en direct. Et voici le meilleur de l'émission. Erwan, donc raconte un petit peu là. Première fois Première fois que j'utilise Tinder, oui. C'était plutôt intéressant. Après une rencontre sympathique avec une jeune demoiselle, ça s'est bien passé. Du coup, on est repassé à un deuxième rendez-vous. Puis ce soir, c'était le sixième et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà, je viens tout juste de rentrer. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas appeler un chat un chat? Tu l'as pécho? Enfin, vous avez couché ensemble? Tu l'as enculé quoi. Oh, pardon, c'est le démon. Mais Toff, je suis scandalisé. Bref, et donc? J'étais agréablement surpris du fait que ça marchait aussi bien ce type de site de rencontre. Ah bah oui. Après, bien sûr que ça fonctionne bien, n'est-ce pas, Mina? Ouais, ça marche très bien. Ouais. Non super, waouh, c'est la révolution, elle révolutionne. Quoi, t'es en misère là? Non mais en fait vous allez pas me croire mais bah non comme d'habitude passe, hein. Je passe mes journées à m'engueuler en fait. C'est une source sans déconner. Alors ça c'est marrant. Toute la journée, je me prends la tête avec tous les mecs mais genre à base de vraiment des vrais embrouilles, des pavés et tout qu'on s'envoie pour pourquoi des prises de tête parce que les mecs sont bêtes mais foncièrement bêtes. Genre par exemple, j'ai un gars là en ce moment que j'aime bien. Le mec ça fait genre 2-3 semaines qu'on est censé se voir et le mec est jamais là le week-end, tu vois. Et oui, c'est normal, il va voir sa meuf. Voilà, merci. Je suis pas née d'avant-hier. Oui. Et donc le mec me dit écoute, on peut pas se voir ce week-end, mais le week-end d'après, tu vois, sous-entendu, sa meuf doit se barrer en week-end avec ses cops. Et là, il me dit super, les rencontres qui prennent 6 mois. Et je lui dis bah ouais, effectivement, ça prend 6 mois quand le mec est marié, quoi. Mais alors, il est marié Non, mais il est marié, vraiment? Non, soi-disant qu'il est pas marié, mais qu'il a des enfants. Bah ouais, mais dis-le avant, mais ma gueule. Si, en fait. Il a une meuf, c'est sûr et certain. Non, il a ses enfants, en fait, une semaine sur deux, je sais pas quoi. Après, j'en ai un autre qui me prend la tête. Non, mais franchement, Amina, c'est que des embrouilles. Amina, je crois que c'est moi. Ça doit être moi. On doit communiquer ensemble, en fait, je crois. Ah, peut-être, hein, pourquoi? Va te savoir. Ah, mais c'est possible, en fait. Mais tu sais que moi, je vais créer un profil sur Tinder pour aller emmerder Amina. Non, mais tu sais que vraiment, c'est des. Je vais aller l'embrouiller. J'en ai un. Ah ouais, hier il m'envoie un message. Il me dit ah ça se passe bien avec un tel. Et en fait c'est un autre gars avec qui j'ai matché. Et en fait c'est son collègue. Non, et en fait les deux bossent ensemble et j'ai matché les deux. Je savais pas. J'en ai un autre qui me dit ah bah tiens je parle avec ta collègue, une meuf de la radio. Je vais taire son nom. Non mais genre que des bails comme ça, que des embrouilles. Donc en fait moi ce que je trouve en fait ce que je pensais à la base les Tinder et compagnie mythique et tout ça je pensais sincèrement c'était pour des plans cul et tout ça. Certes il y en a, mais bon t'as quand même une majorité de personnes qui cherchent quand même des relations sérieuses et voilà. Donc moi je suis tombé sur quelqu'un qui cherche une relation sérieuse donc c'est plutôt cool, c'est mon cas aussi. Oh. Donc voilà. C'est polo. Excusez-moi Non mais y a pas le mal. Et la clim, il est un peu enrhumé. Donc ça prouve que en fait t'as quand même des gars et des filles qui recherchent mine de rien des choses concrètes. Qui recherchent des choses concrètes, ça j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, que ça soit des gens intéressants, moi je trouve ça compliqué. Hein. Ah, enfin, ça c'est sûr. Très rare, en tout cas, comme dans la vraie vie de toute façon. Je pense que tu dois connaître un petit peu, donc il faut faire du tri quoi. Si tu fais du tri, tu trouves. Hein. Ouais, mais franchement, c'est un investissement de malade. Moi, faudrait que je pose 2 semaines de congé. Hein. N'importe mais quoi. Mais c'est vrai, ça prend grave du temps. Hein, bah, dites-nous si vous avez déjà réussi à trouver des relations sympas, comme visiblement Erwan là sur Tinder. 01 40 71 5000. Je vous parle pas d'un plan cul, même si t'es agréable. Je parle vraiment de. Voilà, il s'est passé un truc. Par contre, il y a un truc qui est bien pour toutes les meufs qui sont un peu mignonnes, un peu sexy, des vraies bombes de meufs, tu vois, moins de 30 ans et tout. Ah, vous pouvez aller. Hein? Oui, ça parle de moi. Ouais, vous pouvez aller sur polo@energie.com. Le mec c'est est déblin. C'est pire que Badou, c'est pire que tout ce truc. Le mec est déblin. Et vous allez avoir. Il a de la conversation, il est un peu sympa. Il a de la culture. Il chante aussi. Il chante, oui. Bon, après, le répertoire est limité, mais il chante. Mais il n'est pas agressif. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, voilà, on a couché ensemble et c'était plutôt pas mal. Et bon, je me suis barré un peu comme un voleur, mais voilà. Ça s'est tellement bien passé que t'es même pas resté dormir avec elle, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Bah non, c'est qu'elle voulait pas. Quoi. Elle pue. Ah bah. Ah. Ça s'est bien passé. Ah ouais, non, ça c'est bizarre, effectivement, oui. Mais alors je t'explique le truc. Le problème c'est qu'elle est encore chez ses parents. Donc ah oui, d'accord. Si tu veux, les parents étaient partis. Les parents étaient partis en soirée. Donc on est rentré vite vite, on est rentré du resto, on est rentré vite vite, on a discuté, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis il y a un moment, on reçoit un SMS de sa mère et elle lui dit bah j'arrive, on arrive avec papa, il va. Et puis bah voilà quoi. Donc, ah, putain, les plans romantiques. Ouais j'avoue. Ouais. Non, bon bah écoute, beau, après, non mais après c'est pas de bol quoi. Bon en tout cas merci d'avoir appelé Erwan pour nous bah, raconter ça. Et t'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux. Ouais bah continuez parce que vous êtes une super équipe. Eh bah, c'est gentil, c'est gentil. Merci à toi, à bientôt Erwan. Ciao, ciao. Bisous. Salut, bye. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Some days, things just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I can so overcomplicate. People tell me to medicate. Feel my blood running. Swear the sky's falling. I don't know if this shit's fabricated. Time goes by and I can't control my mind. Don't know what else to try, but you tell me every time. Just keep. Bitches. I shouldn't have said that out loud. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Énergie, c'est Cédric. Salut la France qui se lève tôt. J'espère que ça va ce matin. On va écouter Dadju et Alvaro Soler dans le playlist Énergie. Et alors, tiens, ouais, avant de les retrouver ce soir dès 20h, vous pouvez les appeler en direct, hein, d'ailleurs, tous les soirs, 0870 42 48. On se fait le meilleur de l'équipe de Rico Show sur Énergie. Bon réveil. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Yes, allez, on est avec vous, les amis. Dites-moi ce qui est une bonne surprise de soirée. Allez-y, hashtag Rico Show sur Énergie. Sur Twitter, venez, puis débarquez au standard 0870 42 48. Mon tombeur. Ah, bah, la bonne soirée, c'est quand t'arrives avec ta petite bouteille de villageoise. Ouais, la bonne surprise, on parle. Ouais. Bah, t'arrives avec ta petite bouteille de villageoise de chez un pote. Ouais. Tu sonnes. Et c'est la grande gueule-tonnade. Champagne à tout va. Toi, tu poses la bouteille à tes côtes. Je peux dire que c'est la grande régale. Alors que l'autre, c'est du vinaigre. Ah ouais. Le gars, il s'en sert juste pour laver les couverts. Une fois que t'es barré, c'est pour s'y voir dans les couverts. Tu t'es vas-y, envoie le vinaigre de potard. Putain, on va laver les couverts. Ah, putain. L'autre, il détache et tout. Putain, c'est vrai. Ça, j'adore ces soirées. J'adore. La villageoise, tu sais, de chez le Rebeu, 1,80€. Ah. Pourtant, je vais te dire, chez le Rebeu, pour que ça coûte 1,80€, le truc, c'est de l'essence. Ah, c'est de temps en temps, quand il est en panne, il en met dans la pétrolette. Ça carbure. Et moi, j'ai une bonne technique, je garde le sac plastique, tu vois. Je garde le sac plastique, je donne la bouteille, comme ça le mec il regarde pas ce qu'il y a dessus, tu vois. Ouais. Et il prend la bouteille, il la met sur le teco et ouais, t'es tranquille, et tu vois. Grave, Ah oui. C'est pas gentil. Non, mais parce que t'es un sac à couilles. T'es un enfant. Il s'en bat les couilles de sa propre histoire. Même lui, tu sais, il est en train de raconter. Et puis, tu sais, pendant qu'il parlait, il s'est dit, y a pas quelqu'un qui a un truc à bouffer, quelque chose. Il était en train de parler, il tournait la tête. Même lui, il s'est dit, putain, je me fais même chier. Oh, qui c'est qui est en train de parler? Je me fais chier. Oh, putain, mais c'est moi. Oh putain, c'est moi le neuneu qui parle. Oh, c'est le neuneu. La truffe à l'air, quoi. En train de se dire, putain, il est quelle heure? J'aime. Une bonne surprise aussi, comme il disait Sylvain en soirée, c'est quand t'arrives à la boîte et qu'un de tes potes il avait fait marquer une bouteille il y a une semaine avant. Ouais. Et il te l'a pas dit, tu vois. Ouais. Et tu fais, oh les gars, au fait, la bouteille. Et là, t'attends de voir le niveau, comment il en reste. Ouais. Et là, il reste trois quarts de bouteille, c'est beau. Ça, c'est une bonne surprise. Moi, je lâche toujours un truc. Hein. La règle, c'est ça. T'arrives en boîte, tu dis, Toto. Il y a toujours un soulard qui s'appelle Toto. SM aussi. SM. Toto. SM. Jérémy. Fred. Un truc. Alex. Imagine, c'est un mec qui a laissé une ardoise. Mais non. Il laisse pas d'ardoise. C'est des mecs, tu sais, comme t'as pu. Pour pas que les mecs se pinent la gueule et boivent trop. Justement, ce qui se passe, c'est qu'ils récupèrent les bouteilles. Parce qu'avant, les mecs payaient 500 euros la bouteille. Puis, pour pas laisser la moitié de la bouteille, ils buvaient. Et du coup, les mecs se plantaient après en bagnole parce qu'ils avaient trop bu. Et là, ce qu'ils disent, vous laissez votre bouteille, puis vous revenez la prochaine fois. C'est obligatoire. Et donc, les types laissent ça. Et toi, t'arrives derrière, ils savent pas. Déjà, les boîtes, elles sont dégoûtées que tu laisses ta bouteille parce qu'elles savent que derrière, tu vas pas racheter. Donc, toi, t'arrives, oh, Seb. Ouais, hier, avant-hier, je sais plus. C'était pas ta bouteille, je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus. C'est un truc, quoi. C'est un truc, c'est quoi les gens? Putain, mets-nous ça. Seb. Pas Seb, moi. Je vais dire. Vas-y Seb. Sur Sylvain, y'a rien du tout. Je veux dire, je cache pas. Au début, quand j'ai connu Sylvain, je savais pas trop. J'ai sorti deux fois Sylvain, j'ai compris. Après, j'avais un videur sous chaque bras, je sortais. Je touchais plus les pieds au sein. J'ai dit, bon, c'est peut-être pas le bon prénom à donner. On apprend tous de ses erreurs. Sylvain, c'est un nom à ne jamais donner. Jamais. Si vous voulez récupérer un fond de bouteille, jamais. Par contre, Rico, y'a beaucoup. Hein. Je peux te dire. Bah non. Si, je te demande à chaque fois ce que tu fais la veille. Ouais. Et comme ça, après, je pars dans la même boîte. Moi, il y a des boîtes, j'ose plus être. Il y a une ardoise de Sylvain Potard. Sylvain, il sort à Paris, il dit oh, vous voyez avec Rico Prod. Sauf que les gars, dans Rico, moi je suis recherché. Ils n'ont jamais vu le type. Il prend un espèce de flyer d'énergie, il dit c'est lui qui fait. Et les gars m'attendent avec une punaise sur le flyer au bureau. Quand je me pointe sur un établissement, je tremble. Oui. Je peux te dire que j'ai pas bien. Tiens, on va prendre Leslie là, qui a fait le 0870 40 48. Ça va, Leslie? Ça va et vous? Comment bonjour, tu vas, ma chérie? Leslie de Nancy, ça va? Ça va, nickel. Ah, Nancy, je crois qu'il y a une... Non, c'est pas Nancy qui a le chat noir?

ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, des mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, en famille. Y'a pas d'amitié, si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. C'est Cédric sur Énergie. Bon réveil tout le monde, ça va ce matin. Tiens, hey, ça vous dit de gagner jusqu'à 10 000 euros? Rencard chez Coé cet après-midi, 17h30 dans le Cash Cash Énergie. Vous allez gagner jusqu'à 10 000 euros. Waouh! Inscrivez-vous, vous envoyez Coé au 7-10-12 dès ce matin. En attendant, ben, c'est le meilleur de l'émission pour vous sur Énergie, le meilleur de Coé. Et derrière, ce sera Calvin Harris dans la playlist Énergie. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Vous avez regardé la télévision samedi soir? Eh bien, oui. Danse avec les stars, c'est pris une tôle. Hein. C'est, oui, fait, c'est battu par France 3. Mais ça, c'est l'histoire de Pamela Anderson. Ça a saoulé tout le monde. C'est ça, ouais. Viendra pas, truqué, pas truqué. Ça a saoulé tout le monde. Est-ce qu'on est raccordé avec la Villa des Animateurs ou pas? Normalement, oui. Ça va, vous m'attendez, les amis? Oui. Ça va, c'est Jean-Marc Généreux. Je suis tellement content. Je vous jure, je capote, tripping. J'en ai les pieds qui font un foxtrot. Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil là? C'est pas les audiences, non, quoi, c'est les ventes de canapé Château d'Ax. Ça a doublé. Puis que je fais de la pub. Et ça! J'achète! Et ça! J'achète! Putain, le slogan! Ouais, mais nous, on voulait parler des audiences. Allô, allô, vous m'entendez? C'est Nikos. Bonjour Nikos. Nikos, l'ami des vieux, le matin, bonjour. J'ai vu les audiences. Alors, j'ai vu les audiences, effectivement. Si on cumule le prime de vieux de Nagui et le téléfilm de vieux de France 3, plus les vieux qui regardent Danse avec les stars, eh ben, ça fait du monde, les loups. Y a plus que des vieux qui regardent la télé. Il faut se le dire, il y a peu que les vieux font chier les yeux. Mais vous faisiez quoi, vous, samedi soir? Vous étiez en boîte? Pas vraiment, j'ai passé ma soirée à chercher mon ordonnance pour mon examen de la prostate. Et après, j'ai fait le foufou all night long jusqu'à 21h30. Un petit suppo et un petit dodo, voilà. Oh! Eh ouais, les chiens, il va falloir revoir toutes les émissions de télé, là, les gars! À commencer par moi, je vais refaire TPMP. Touche pas à ma prostate! Et ça, c'est pas d'arca, les gars! Je suis à fond, les gars. C'est génial. Salut les gars, Patrick, Sébastien, ça va? Salut Patrick. Ça touffe. Ça va. Salut animateur, bientôt au chômage. Alors j'aime les vieux même plus. France Télé, vous savez, on se sépare à l'amiable. Oui. Enculé. Et donc, je vais faire les nouvelles émissions de télé. Je vous donne les titres. Spécial vieux. Je vais faire Qui veut gagner les chaussons. Ok. J'ai vieille polenta. C'est des vieilles peaux sur une île déserte. J'appelle ça vieille polenta. Sinon, j'ai la France, un incroyable dentier. Il se le pose dans un verre, il met une capsule dedans. Sinon, j'ai vivement les hanches. C'est comme vivement dimanche, mais c'est des hanches, vivement des hanches. Et j'ai la dernière, j'ai silence, ça pousse, mais ça sort pas. Ça marche bien. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Something in you.

tous dans le cœur à vilain. Une histoire qui finit en happy end. On a tous une promesse qu'il suffit de réveiller. On sait bien.

J'aime bien écouter jusqu'à la fin les titres. C'est bien. Ok. Alors. Ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Énergie, il est 5h55. Comme chaque jour, on démarre la journée ensemble. C'est dans 5 minutes que ça démarre, mais avant ça, c'est nos 5 minutes à nous. Nos petites 5 minutes précieuses à nous. Attention, je vais imiter Gollum. Mais précieuse. Très mauvaise imitation de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Waouh. Avant de démarrer à 6h, c'est notre moment à nous. À 5h55, c'est le club du 555. Un club très privé. Un club dans lequel tout le monde peut rentrer à partir du moment où vous êtes réveillé. C'est ça. Peut-être que chez vous, vous êtes le seul réveillé. Peut-être que chez vous, dans votre maison, vous êtes 4, 5, mais vous êtes le seul à connaître le club du 555. Ne gâchez pas ça. Oh non, non, non. Ne gâchez pas ça. Ne réveillez pas les autres en leur disant il y a le club du 555. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire qu'ils le connaissaient avant. Et après, ça va devenir. Vous savez quoi? Après, ça devient commercial. Eh bien, c'est pas commercial, le club du 555. C'est notre moment à nous. Et chaque jour, on se fait un petit plaisir. On s'écoute un titre qu'on a envie d'écouter le matin pour se lancer la journée. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ah ouais. C'est cool, hein? Ouais. Et bien, c'est ce qu'on va écouter. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Je voulais vous faire écouter d'abord le truc parce que si vous dites Gabriela Sing Me, Sweet About Me, personne ne s'en souvient. Voilà. Mais on connaît le titre. Et bien, c'est ce qu'on se fait maintenant dans le club du 555. Soyez les bienvenus sur Énergie. Sur Énergie, il est 6h. Qu'on amène le coq. On est de retour. jetons avec vous pour démarrer cette journée. Soyez les bienvenus sur Énergie. Dans 10 minutes pile, on pourra se dire que notre journée est belle. Pourquoi ? Parce qu'il y a les concours du jour qui arrivent. Ah, cool. Oui. C'est pour ça qu'on les fait en début.